Anna et moi. Mobali na yo, olo baki ngai na salaka kisefe, na libala na bino. Madilu tika ye aloba, loba, loba, loba, makambo ye a salaka, aye bakate, babala bala ye a tambolaka, bato ba monaka ye, na banda koye a kontaka, ba plafon ya ndakwe fundaka ye, na ba kwenyo soye a telemaka, ba chauffeur taxi ba monaka ye, ba vedette ye a kamataka, ba naimboa ba monaka ye, bona nini a panza yo sango alobi, yo salaka ki se fe. Ah. Naimoto na kote la kayo mamoue ye ye ye. Naimoto na ebi ba sekele mamoue ye ye ye. Lelo la komi moto ma peo mamoue ye ye. Oyibitangwenginda ka o mamwe Oko kanisa ngai mamu nakeye Ata ofingi ngai ndumba mamwe O mamu kindumbu za kofinga mamu kindumbu za musala provisoire te mamu ngape na kala na libala na bipasa libala bongo na kindumbu za kofinga mamu Omona na ndumba kuma mama bana te, omona na ndumba mata te, omona na ndumba kuma nesika gate te mamu, na suete te. Ya upe mkule ukufa so kumi nesiko ya biso na kotuna yo. Ah. Eloko ninyo koluka e mamu ye ye ye. Eloko ninyo koluka o mamu ye ye ye. Signatu osi onsua mamu. Landanzela ya libala mamu Landanzela ya libala mamu ye ye ye Yango evandisa yona poto mamu ye ye Tika kokosa mobali na yo mamu ye ye Sokia telefone loba obimaka mamu Mamu Yo moko ebisenga mobali no atino na poto na boko lo bana. Moko mbusu soki ngungini esui yo lo bio, mobali na telefona ka yo 2 fois par jour. Kuta peso na kane ya chek. Mamu amona ka so mobali na telefona na 6 heures. Surtout na minuit amona wawo likolo ekiti. A kote na salle de bain asali monzele. Abimi na salon. Ate likolo amona kamati kise bangungi. Ake pa ya mwana moko ya funda ke patata na ye. Akamati kise bangungi. A pompe, a pompe, a pompe. A pompe, a pompe, a pompe. Po, tango akobima tango kozonga mwana wana yeba teke mama zongi. Ako zongo belo kwa nyamu makolo nyamu nyamu. Papa bana pepa atika laki, 6 heures matin koki. Ngrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr On a oublié ça le bakuna nani. C'est la qui radio papa. Oh, sans attention, maman, ma comment on a connu vraiment battez la personnalité n'engage pas dans la photo. Papa, ça on a confiance, n'engage pas ça gayo. Il faut ça on a confiance. Quand c'est comme on a retourné dans le papa, ben la sang musique passe dans mon thème. La lobby est. Oh, ma comment on a eu qui aujourd'hui moi si mon quoi t'es car ce qui a joué ma panne maman pour te surprendre la covadis. Est-ce que comment vous avez un solo toi à l'okuta? Wana leki à moi na moi sur mon bois quand il est à 20 mètres. Vous voyez bien bien. Eh, bangi singa moi était oh. C'est pas vrai. Antoine a comme moi qui. Non, n'a qu'au salon de chérie. Au salon à monter ma papa. Battez le bébé nananga. Eh, yo peux au salon à boiter oh. Battez le bébé personnalité nangai. Na yo qui. Chérie. Eh. Je t'aime. Hello koninyo koluka eh mamure ye ye. Hello koninyo koluka oh mamure ye ye. Signature aussi au soir mamou. Landanzela ya libala oh mamou. Landanzela ya libala oh mamou ye ye ye. Yango evandisa yo na poto mamou ye ye. Tika koko sa mobali na yo mamou ye ye. Sokia telefone loba obimaka mamou.